Poème. Le chat noir. J'ai dans ma cave un chat noir. Ses yeux sont de couleur claire. Mais s'il les ferme, bonsoir. Pour le trouver, rien à faire. Lucie Delarue-Mardrus.